carte à télé. Gavard ta vie, trop de publicité. Ça ne plaît pas la vie. Révèle la vie, révèle la vie. Oh, ben, la vie. Gavard ta vie, avec ton sel carré. Si tu fais qu'un garé, ça crée ta rire. Ah ah, ah ah. Toutes ces séries policières à la con. En fait, l'image parfaite des Américains. Les gens détestent les flics, mais se gavent de ces feuilletons. J'espère que les trucs qui servent à rien, yeah. Parlons maintenant de ces jeux télévisés où l'on gagne de fortes sommes de pognon. Car tu te casses le cul à travailler pour que tes impôts reviennent à ce genre d'émission. Oh, à ma télé, la vente à vie, trop de publicité, trop de plus belle la vie. D'être mannequin, le genre squelettique qu'il y a dans les pubs de parfum. Oh oui, oh oui, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Oh oui, oh oui, je sens bien elle. Oh oui, oh oui, dans ce maquillage, c'est trop classe, pardon sur mes yeux. J'ai ma télé, la vente à vie, toute publicité, trop de plus belle la vie. Plus belle la vie, plus belle la vie. Oh, belle la vie. J'ai fait un peu de rire, et quand c'est carré, je fais que regarder, ça crée de rire. Oh, that's not me. Oh, that's not me. Avec ton dégaré, tu peux y regarder. Ça crève.